La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, qui est le plus célèbre verset de la Bible, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et donc pour expliquer en quelques minutes, nous sommes tous pécheurs, tous les hommes ont péché, la Bible dit « Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu ». Nous sommes pécheurs, Dieu est parfait, donc nous ne pouvons pas entrer dans le paradis si nous ne sommes pas pardonnés de nos péchés. Il faut savoir qu'il y a une conséquence à nos péchés, il est dit « Tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort ». Donc la Bible nous dit que tous les menteurs, et donc tous les êtres humains, et bien sûr nous avons fait d'autres péchés, on mérite d'aller en enfer à cause de nos péchés, parce que Dieu est un juste juge et on mérite une punition et donc la damnation éternelle. L'enfer est un feu éternel dans lequel les personnes sont punies éternellement pour leurs péchés. Et donc Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer, Dieu vous aime et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc qu'est-ce qu'il a fait par amour pour vous? Il a dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils engendré. Donc Dieu est juste, il doit punir le péché, mais Dieu nous aime. Et il a donc envoyé son fils Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le fils de Dieu, qui est né de la Vierge Marie, qui n'a jamais commis aucun péché, qui est Dieu fait chair. Il est venu sur terre, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est dit qu'il lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. Il est mort pour nos péchés. Et ensuite, il est ressuscité des morts. Il est dit qui est celui qui condamne, c'est Christ qui mourut, oui plutôt, qui est ressuscité. Donc nous croyons dans un Dieu vivant, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Maintenant, comment vous pouvez aller au paradis? Il est dit afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La Bible dit aussi, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donc comment on est sauvé? En croyant en Jésus-Christ, en mettant notre confiance en lui et pas par nos œuvres. Il est dit, non des œuvres afin qu'aucun homme ne se vante. Donc c'est par la foi, par la grâce de Dieu, donc c'est une faveur imméritée que Dieu nous fait. Lorsque l'on croit en Jésus-Christ, on est sauvé et c'est pas par nos bonnes actions. Notez qu'il est dit « crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Il n'est pas dit d'être une bonne personne, il n'est pas dit d'aller à l'église, il n'est pas dit de faire un baptême, il n'est pas dit d'arrêter de pécher. Non, c'est seulement par la foi, pas par les œuvres. Et donc si on croit en lui, on ne périt pas. Pourquoi? Parce que nos péchés passés, présents et futurs sont tous pardonnés le jour où on croit en Jésus-Christ. Et Dieu nous donne la vie éternelle, c'est un don gratuit. Il est dit dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu qui ne peut mentir a promis avant le commencement du monde. Donc Dieu est fidèle, c'est une promesse. Une fois qu'on a reçu la vie éternelle, on ne peut jamais la perdre. Et il est dit aussi, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Donc le jour où on croit en Jésus-Christ, Dieu fait de nous une nouvelle créature, c'est la nouvelle naissance, on est enfant de Dieu. Et bien sûr, on n'arrête jamais d'être l'enfant de Dieu. Donc si on commet des péchés, Dieu va nous châtier sur cette terre, mais jamais on ira en enfer, parce qu'on est enfant de Dieu pour toujours. Et si on fait des bonnes choses, Dieu nous bénit. Donc oubliez pas, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc demandez aujourd'hui à Jésus-Christ de vous sauver, mettez votre confiance en lui, il vous donne la vie éternelle, vous ne perdrez jamais ensuite la vie éternelle, vous êtes une brebis, et il est dit, et aucun homme ne les ravira de ma main. Vous êtes dans la main de Jésus-Christ, dans la main de Dieu.